C'est l'homme aux mille tours, muse, qu'il faut me dire, celui qui tant erra, quand de Troade il eut pillé la ville sainte, celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit, celui qui sur les mers passa par tant d'angoisses, en luttant pour survivre et ramener ses gens. Viens, ô fille de Zeus, nous dire, à nous aussi, quelqu'un de ses exploits. À l'instigation d'Athéna, au conseil des dieux de l'Olympe, Zeus décide le retour d'Ulysse dans sa patrie. Il y avait en effet bientôt 10 ans que la ville de Troie était réduite en cendres et Ulysse, poursuivi par la colère de Posidon, n'avait pas encore revu sa chère île d'Ithaque, où la reine Pénélope, son épouse, l'attendait toujours avec confiance et fidélité, alors qu'elle était sollicitée par quantité de prétendants. Ulysse, depuis 20 ans qu'il était parti, passait pour mort, et l'on ne comprenait pas que sa veuve ne se prononçât point pour l'un ou l'autre de ses prétendants qui, selon l'usage, étaient venus s'installer dans le palais royal et abuser de la situation pour dilapider les biens d'Ulysse en attendant la décision de la reine Pénélope. Pour éluder leur poursuite, Pénélope avait promis de se déclarer quand elle aurait terminé certaines toiles destinées, disait-elle, à envelopper le corps de Laërte, son beau-père, dans le cas où il viendrait à mourir. Mais chaque nuit, elle défaisait le travail de la journée. Mais la ruse a été éventée. C'est alors qu'Athéna enjoint à Télémaque, le fils unique d'Ulysse et de Pénélope, de partir à Sparte, chez le roi Ménélas, pour avoir des nouvelles d'Ulysse. Commence alors le récit proprement dit des aventures d'Ulysse dans son retour à son île d'Ithaque. Ulysse vient d'être rejeté, nu et mourant de faim, sur le rivage des Phéaciens. Par hasard, la fille d'Alcinoos, le roi de l'île, Nausicaa au bras blanc, était venue ce jour-là en compagnie de ses femmes suivantes faire, au bord des flots, la lessive de son linge, car le jour de son mariage était proche.